Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'embrassent? Ah, Major, je l'aime, je l'adore. C'est un ange. Non, c'est mon bugle. Venez donc, Floridor, venez donc. Ah, il va mettre les pieds dans le plat, lui. Oh, c'est Monsieur Floridor, imbécile. Imbécile? Alors, on m'avait reconnu. Je sais tout. Corinne est innocente. Tu es innocent. Et puis d'ailleurs, elle peut pas te souffrir. Elle m'a demandé... Oh oui, mais alors là, je ne sais pas si je dois... Non, vous devez pas, vous devez pas. Non, eh ben, je vais te le dire quand même. Elle m'a demandé comment je pouvais la croire capable d'aimer un... Un singe. Ah oui? Ben, comment le sais-tu? Ah, c'est son mot quand elle parle de vous. Quand... Oh, oh. Et quoi, Denise, vous qui ne vouliez pas vous marier, qui prétendiez convertir monsieur? C'est lui qui m'a convertie, ma mère. Je me marie par dévouement. Oh, c'est un ange. C'est un ange. C'est un ange. Ah oui, alors, c'est un ange. Allons, voyons, mamselle n'y touche. Il faut se remonter le moral. Quelques paroles de votre bouche en guise de couplet final. On ne refuse rien aux femmes, surtout lorsqu'elles ont vos yeux. Adressez-vous à toutes ces dames, adressez-vous à ces messieurs. Non, vrai, je n'oserais.